Vie sur le vif. Écoutez. Je te répète qu'il faut à tout prix que tu sois là à 10 heures. Mais j'ai des tas de choses à faire demain. Ça ne fait rien, fais-moi confiance. Tu ne le regretteras pas. Bon, je viendrai. Mais c'est bien parce que c'est toi. Répétez. Je te répète qu'il faut à tout prix que tu sois là à 10 heures. Mais j'ai des tas de choses à faire demain. Ça ne fait rien, fais-moi confiance. Tu ne le regretteras pas. Bon, je viendrai. Mais c'est bien parce que c'est toi. Écoutez. Bonjour, madame. Vous m'avez demandé de passer. Ah oui. Nous avons une offre d'emploi qui risque de vous intéresser. De quoi s'agit-il? Une grande entreprise de travaux publics de la région cherche un comptable, libéré des obligations militaires. Que dois-je faire? Il faut que vous vous présentiez au chef du personnel. Est-ce nécessaire que j'y passe aujourd'hui? Le plus tôt sera le mieux. Au revoir et bonne chance. Répétez. Bonjour madame, vous m'avez demandé de passer. Ah oui, nous avons une offre d'emploi qui risque de vous intéresser. De quoi s'agit-il? Une grande entreprise de travaux publics de la région cherche un comptable. Libéré des obligations militaires. Que dois-je faire? Il faut que vous vous présentiez au chef du personnel. Est-ce nécessaire que j'y passe aujourd'hui? Le plus tôt sera le mieux. Au revoir et bonne chance.